À quoi tenez-vous le plus chez vous ? Au service en argent de votre grand-mère ? À votre première guitare ? Ou à la collection de cailloux du petit-dernier ? Quel que soit le trésor que vous souhaitez protéger, il mérite la télésurveillance ImaProtect. Parce que pour surveiller tout ce qui compte pour vous, vous pouvez compter sur nous. En ce moment, avec le code France Inter, les frais de mise en service et le premier mois d'abonnement sont offerts. Alors contactez dès maintenant un conseiller ImaProtect. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2022, non cumulable avec d'autres offres en cours. ImaProtect, entreprise agréée CNAPS, plus d'informations sur imaprotect.com. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la traque et la capture d'Adolf Eichmann, l'architecte de la solution finale. Eichmann, l'ancien haut gradé SS, celui qui a permis la mise en œuvre à une échelle industrielle des ambitions génocidaires d'Hitler. Eichmann, le responsable de toute la logistique de la Shoah. Eichmann qui s'est enfui dès qu'il a pu après la guerre pour rejoindre les cieux cléments d'Argentine. Eichmann se cache, et pendant longtemps, sans que personne ne le cherche vraiment. L'Allemagne, il faut le dire, tente de se reconstruire et refuse encore d'affronter son si proche passé. Israël, petit état tout juste créé, lutte pour asseoir son existence sur la scène internationale et fait face à de multiples menaces. Mais dans ce capharnaüm politique que la guerre froide électrise, un improbable concours de circonstances impliquant le Mossad, un vieux procureur allemand et un magistrat pugnace va aboutir en 1960 à l'arrestation d'Adolf Eichmann et à son procès en Israël. Voici la chronique d'une incroyable chasse à l'homme et à la vérité, pour la justice et pour l'histoire. Aujourd'hui, la traque et la capture d'Eichmann, demain, le procès. Notre invité aujourd'hui, Yvonique Denoël, historien, éditeur, spécialiste du renseignement, auteur des Guerres secrètes du Mossad, publié au Nouveau Monde Édition. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Juliette Proutot, coordination Franck Cognard. Attaché de production Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mercredi 11 mai 1960, Buenos Aires. Il est 19h, la nuit tombe sur ce quartier modeste et rural de la capitale argentine. Tout est désert, tout dans la petite rue Garibaldi. Juste le bruit du vent dans les arbres et les herbes hautes. Et si le ciel commence à s'illuminer d'étoiles, au sol, aucun éclairage ne vient perturber l'obscurité tranquille. Jusqu'à ce que deux voitures apparaissent au bout du chemin. Elle s'avance lentement, discrètement, puis s'immobilise à une centaine de mètres du croisement de la rue Garibaldi et de la route principale. La première voiture se gare sur le bas-côté, feu éteint, c'est à peine si on l'aperçoit, caché par la nuit et les fourrés. La seconde la dépasse, continue de rouler quelques secondes, puis s'arrête au milieu de la rue, un peu plus près de l'intersection, et allume ses feux. Deux hommes sortent de l'habitacle. Le premier se glisse sur le bas-côté et disparaît derrière les buissons. Le second se dirige vers l'avant de la voiture, ouvre le capot et fait semblant de se pencher sur le moteur. Il reste comme ça une dizaine de secondes. Puis il se retourne et il voit un autocar s'approcher. Quelqu'un en descend. Un homme, la cinquantaine, de taille moyenne, plutôt svelte. Il porte une combinaison de travail et de grandes lunettes de vue qui grandissent ses yeux bleu-gris. Il s'avance sur la route de terre. À sa main, une petite lampe de poche qui ne l'aide pas à y voir plus clair tant les phares de l'auto l'éblouissent. D'ailleurs, il ne voit pas la seconde voiture garée un peu plus loin sur le bas-côté. Pas plus qu'il ne repère l'individu caché dans les buissons. Et il sursaute quand l'homme penché sur le moteur l'interpelle. Momentelo, señor. Alors, est-ce que c'est quelque chose dans la posture de son interlocuteur, dans son accent, qui l'arrête? Toujours est-il qu'il fait un pas en arrière et manque de trébucher en sentant un autre individu surgir derrière lui. Il n'aura pas le temps de pousser un cri. Si, juste un cri, un seul, avant d'être immobilisé, bâillonné et jeté à l'arrière de la voiture, déjà presque en mouvement. Rafi Itan, l'homme qui a attaqué notre individu, raconte. La tête d'Eichmann était sur mes genoux. Zvi Malkin était assis à ma gauche. Il tenait la partie basse du corps d'Eichmann. J'avais sur moi un bandeau et je lui ai couvert les yeux. Au même moment, Zvi Aharoni lui dit en allemand « Reste tranquille si tu tiens à la vie ». Il a chuchoté « Yavol ». On en discute encore aujourd'hui de ce mot. J'ai ensuite passé ma main sur son ventre pour sentir s'il avait une cicatrice à gauche. Je l'ai senti immédiatement. J'ai retiré la main, serré celle de Zvi Malkin, et je me suis dit, ça y est, c'est vraiment lui. L'action aura duré moins d'une minute. Il est 20h et le Mossad vient de kidnapper Adolf Eichmann. Eichmann est né en 1906 en Allemagne. Fils aîné d'un comptable, il travaille rapidement comme représentant de commerce. Comme son père, il aime les chiffres. Mais il est licencié à cause de la récession en 1932. La même année, à 26 ans, il assiste à sa première réunion du parti nazi autrichien. Et si sa famille n'est pas engagée politiquement, le jeune Adolf adhère très rapidement au mouvement. Ainsi, en à peine quelques semaines, il intègre pleinement la SS et devient le SS numéro 45326. Plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les idées, il ne s'intéresse pas vraiment à l'idéologie nazie. Il dira plus tard, le programme du parti n'avait pas d'importance. On savait à quoi l'on souscrivait. Comprenne qui pourra. Toujours dit-il qu'Eichmann gravit tranquillement mais sûrement les échelons de la hiérarchie SS dirigée par Himmler. Il intègre d'abord la section responsable des affaires juives des services de renseignement SS. En 1938, il est envoyé en Autriche pour évacuer les juifs de Vienne après l'annexion de la ville. Puis à Prague, l'année d'après, pour remplir la même mission. Et il s'enorgueillit d'être parvenu à négocier, oui, négocier comme un commercial, l'expulsion de plus de 60% de la population juive autrichienne. Promu, il est affecté à la section des affaires juives du service central de sécurité du Reich à Berlin. La vision qu'il a alors de ses responsabilités brutales. D'ailleurs, alors qu'il est en Argentine, il accepte de décrire sa mission à un journaliste qui souhaite l'interviewer. Il s'agit d'un ancien nazi, exilé comme lui en Amérique latine. Les mots qu'emploie Eichmann sont sans équivoque quant à son état d'esprit à l'époque. Je voudrais décrire plus en détail ce bureaucrate appliqué, au risque de me porter préjudice à moi-même. Ce bureaucrate appliqué était doublé d'un combattant fanatique luttant pour la liberté de son peuple. Je le dis une fois encore, la punaise qui mord ne me dérange pas, mais la punaise qui s'installe sous mon col de chemise me gêne beaucoup. Ce qui est utile pour mon peuple est pour moi un devoir sacré, un droit sacré. Pour finir, je dois vous dire que je ne regrette rien. Je n'ai pas l'intention de faire amende honorable. Petit à petit, Adolf Eichmann s'intègre à l'administration SS. Il apprend, puis embrasse les valeurs de sa hiérarchie. Et comme tout fonctionnaire, il finit par se spécialiser. Dans quel domaine ? Les Juifs. La voilà, sa spécialité. Et son rôle dans l'Holocauste va se préciser et s'intensifier à l'occasion de la conférence de Wannsee en 1942. Cette réunion de psychopathes qui réunit près de Berlin les plus hauts dignitaires et fonctionnaires nazis a pour objectif d'organiser ce qu'on appelle alors la solution finale à la question juive. En d'autres termes, l'extermination massive des Juifs d'Europe. Et bien qu'il ne fasse pas partie des plus gradés, c'est bien à Eichmann qu'on confie la responsabilité de coordonner la logistique. Oui, c'est à lui que revient la mise en place de l'identification, du rassemblement et de la déportation des Juifs jusqu'à leurs ultimes destinations, les camps d'extermination. Une mission qui correspond bien à ses qualités professionnelles. L'homme est rigoureux, calculateur, pragmatique. Une mission qui sera tragiquement couronnée de succès. Mais l'Allemagne nazie finit par perdre la guerre. Nous sommes le 8 mai 45 et en France, le général de Gaulle annonce la paix. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. L'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. En 1945, c'est la débandade pour les hauts grades des SS. Et il y a ceux qui se suicident, ceux qui se font arrêter et qui seront jugés puis condamnés à Nuremberg. Enfin, il y a ceux qui fuient. Adolf Eichmann est de ceux-là. En mai, dès la fin de la guerre, il coupe les ponts avec sa famille, prend une nouvelle identité et part se faire capturer par la mer américaine. C'est que notre homme est habile. Il sait que son nom figure en haut de la liste des personnes recherchées par les alliés. S'il veut s'en sortir, il doit se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pour un soldat quelconque, un malheureux perdant sans importance. Adolf Eichmann devient alors Otto Hellinger. Arrêté, puis détenu dans un petit camp de prisonniers, il est tranquille. À l'époque, les photos ne circulent pas comme maintenant. On connaît son nom, mais peu de gens savent à quoi il ressemble. Et puis, son statut de petit soldat anonyme, perdu au milieu de milliers d'autres, dans un camp identique à tant d'autres, lui permet de se faire oublier. Mais pendant un temps seulement. Car le 15 avril 1946, son nom est évoqué, pas n'importe où, pas par n'importe qui, pas pour n'importe quoi, non, à Nuremberg. À l'occasion de la 108e journée d'audience, Eichmann est désigné par le commandant des camps d'Auschwitz-Birkenau, Rudolf Höss, comme le responsable de l'organisation de l'extermination des Juifs. Voici ses déclarations. Il est interrogé par Maître Kaufmann, l'avocat d'un autre accusé. Est-il exact que seul un certain Eichmann en tenait une comptabilité ? C'était lui qui s'occupait de l'organisation et de la réunion de tous les détenus ? C'est exact. Eichmann vous a-t-il bien dit qu'au camp d'Auschwitz, plus de 2 millions de Juifs ont été anéantis ? Oui, c'est exact. Quand avez-vous fait la connaissance d'Eichmann ? Je l'ai connu environ 4 semaines après avoir reçu l'ordre du Reichsführer. Il vient à Auschwitz afin de discuter avec moi de l'exécution des ordres donnés. Comme me l'avait dit le Reichsführer, au cours de l'entretien que j'eus avec lui, Eichmann avait été chargé de l'exécution de ces ordres et devait en discuter avec moi. C'est lui qui m'envoya toutes les instructions ultérieures. Eichmann s'est rendu plusieurs fois à Auschwitz et savait très bien ce qu'il s'y passait. Votre témoignage de tout à l'heure devant ce tribunal avait pour objet de démontrer que toute cette action vous était directement ordonnée par Himmler, en passant par Eichmann qui en était personnellement chargé. Est-ce que vous maintenez cela ? Oui. Quand il apprend la teneur du témoignage de Rudolf Höss, Eichmann comprend que son nom vient de remonter tout en haut de la liste des personnes recherchées. Et c'est là qu'il décide de s'échapper du camp et qu'il s'évapore dans le nord rural de l'Allemagne, où pendant plus de 2 ans, il travaille en tant qu'ouvrier agricole ou bûcheron, c'est selon. Mais alors que les mois passent, puis les années, alors qu'il se sent de nouveau un peu plus en sécurité, Eichmann commence à imaginer un autre futur, loin de son quotidien solitaire et austère. Ainsi, entre 1948 et 1949, il prend contact avec un réseau de sympathisants qui aide les anciens SS à rejoindre l'Amérique du Sud. En 1949, il part pour l'Italie. Et à Gênes, il embarque sur un paquebot, destination l'Argentine. Comment ? Grâce à un passeport et un statut de réfugié fourni par le Vatican, comment bénéficiera un certain Klaus Barbie. Nous sommes en juillet 1950. Adolf Eichmann abandonne Otto Hellinger pour endosser une troisième identité. Il devient Ricardo Clement. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeando de trébol y juntos en filar. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste mi bolso. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. En ce début des années 50, Adolf Eichmann, alias Ricardo Clement donc, est tout occupé à se reconstruire une vie en Argentine. En 1952, grâce au réseau de sympathisants fascistes, il parvient à faire venir sa femme et ses fils. On l'aide également à trouver un travail en tant que contremaître dans l'usine Mercedes-Benz. Certes, l'emploi n'est pas à la hauteur de ses précédentes responsabilités, mais pense-t-il, c'est temporaire. Oui, sauf que les années passent et que rien ne bouge. Or, comme le rappelle l'historienne Bettina Stangetz sur France Culture, les ambitions de l'ancien nazi n'ont pas disparu. Il était coincé à Buenos Aires, coincé en Argentine, les yeux tournés vers la République fédérale allemande. Et il voyait tous ses anciens collègues retrouver un bon emploi, avoir de l'argent, percevoir une bonne retraite, etc. Même si quelqu'un parvenait à vous traîner devant les tribunaux, si on vous demandait ce que vous faisiez l'été précédent, vous vous en sortiez avec une peine très légère, quelques années de prison. Puis vous retourniez dans votre famille. Il estimait avoir beaucoup œuvré pour la culture allemande. Alors qu'Eichmann se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir rêver un retour serein en Allemagne, il ignore qu'à 12 000 km de là, quelqu'un se lance à ses trousses. Ce quelqu'un s'appelle Fritz Bauer. Il est allemand et il a presque le même âge qu'Eichmann. À 26 ans, il devient le plus jeune magistrat du pays. Issu d'une famille juive athée, il s'engage rapidement au Parti social-démocrate. En 1933, arrêté par la Gestapo, il reste plus de 8 mois en prison. Quand il sort, il est renvoyé de son poste de procureur. Les nouvelles lois anti-juives sont passées par là. C'est à ce moment précis qu'il décide de fuir l'Allemagne pour rejoindre sa famille au Danemark, puis en Suède. Durant ce douloureux exil, Bauer affine sa pensée sur la démocratie, la justice, l'état de droit. Et quand la guerre prend fin, son engagement politique est tout entier tourné vers la reconstruction d'Allemagne. Un processus qui passe nécessairement, selon lui, par une remise en question, une réflexion profonde sur la responsabilité du pays dans ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais ça, les Allemands ne sont pas encore prêts à l'entendre. Nous sommes en 1949 et le retour au pays de Bauer est plus compliqué qu'il ne l'imaginait, comme le raconte l'un de ses anciens collègues du petit tribunal régional de Brunswick dans le documentaire Fritz Bauer, un procureur contre le nazisme de Catherine Bernstein. La légende qu'on entendait beaucoup alors disait que les émigrants, ceux qui étaient partis à l'étranger, s'étaient vraiment fait la vie facile. Ils n'avaient pas besoin de se sentir responsables de ce qui s'était passé en Allemagne. Cette idée s'est traduite par un certain agacement, voire un certain ressentiment à l'égard des rémigrants. Et cela concernait bien sûr quelqu'un comme Fritz Bauer, qui, dès 1933, était entré en résistance. Les habitants de Brunswick, comme les juristes, ne voulaient pas qu'on leur rappelle ce qui s'était passé, ni leur culpabilité, ni leur part de responsabilité. Fritz Eisenhower n'a pas compris que ses concitoyens n'ont ni l'envie ni le temps de se pencher sur le miroir qu'il leur présente. Il est encore trop tôt. Pour l'instant, les préoccupations d'après-guerre sont pragmatiques. Se nourrir, se vêtir, se chauffer, avoir un toit. Mais pour Bauer, les procès de Nuremberg ne suffiront pas à faire expier l'Allemagne, à la libérer de ses démons. D'autant que les lois d'amnistie ont facilité le retour d'anciens agents nazis dans la fonction publique. Alors, malgré les obstacles, à la tête du plus petit tribunal du pays, Fritz Bauer persiste. Son premier tour de force, la condamnation en 1952 pour diffamation d'un ancien officier de la Wehrmacht, Otto Ernst Remmer, qui qualifiait de traître les hommes ayant tenté d'assassiner Hitler le 20 juillet 1944. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça, mais cette condamnation, en réhabilitant celles et ceux qui ont résisté, est éminemment politique. Cet événement, peu connu dans l'histoire allemande, est pourtant fondamental pour le pays et pour Bauer lui-même. C'est ce que rappelle Hertmut Bojak, historienne et biographe, dans le documentaire « Un procureur contre le nazisme ». Ce fut un procès crucial dans l'histoire de la République fédérale qui a fait de lui, peut-être même du jour au lendemain, un procureur général connu mais aussi très controversé. Il avait lui-même prononcé le réquisitoire lors de ce procès, ce qui en soi était déjà inhabituel. Au cours de ce procès, une phrase décisive a été prononcée par Fritz Bauer. On ne pouvait absolument pas trahir le Reich allemand, la population allemande, car ils avaient déjà été radicalement trahis par leurs gouvernants. Et un peuple qui a été trahi à ce point, comme à l'époque le peuple allemand, ne peut donc pas commettre un crime de haute trahison. Si le procès Remmer marque un tournant dans la dénazification du pays, il place aussi Fritz Bauer au centre du monde judiciaire d'après-guerre. Moins de 4 ans après le procès, il devient procureur général de Francfort, la plus grande juridiction du pays. Il décide alors de se lancer pleinement à la recherche d'anciens SS qu'il veut voir juger en Allemagne. C'est son obsession. Si des Allemands doivent juger d'autres Allemands, alors la société sera bien obligée de se regarder en face. Ambitieux et naïvement optimiste, comme il le dit lui-même, Bauer vise tous les anciens responsables nazis, des plus petits jusqu'aux plus importants. Il n'épargne personne. Et il y a un homme de l'autre côté de l'Atlantique que le hasard va placer sur le chemin du procureur. Cet homme, c'est Adolf Eichmann, que Fritz Bauer ne va plus jamais lâcher. Voilà comment il en parle. Je savais quand je me levais de mon bureau à l'aube que pour tout ce qui concernait les Juifs, il était l'autorité suprême. Les chasses à l'homme et les massacres, il en avait tiré les ficelles. Je savais qu'à tous les procès de Nuremberg, où on avait jugé des criminels nazis, cet homme avait été désigné comme le boucher en chef. Je savais que les méthodes policières n'avaient pas de secret pour lui, et que fort de sa compétence professionnelle et de son manque total de conscience morale, il constituerait un gibier redoutable. Ce qui est étonnant avec le cas Eichmann, c'est qu'il a progressivement été mis de côté par le procureur. Parce que les pistes sont trop confuses. Certaines sources affirment qu'il est mort, d'autres le situent en Égypte, d'autres encore du côté des Balkans. L'Argentine fait bien partie des possibilités, mais sans certitude. Alors Bauer se concentre sur d'autres proies, plus identifiées et identifiables. Jusqu'à un beau matin de 1957, quand il reçoit une lettre qui va bouleverser sa vie, celle de son pays et de l'État d'Israël. Le courrier en question émane d'un certain Lothar Hermann, un vieil avocat allemand qui vit dans une banlieue de Buenos Aires avec sa famille depuis la fin des années 30. Les Hermann sont juifs, mais font en sorte que personne ne le sache. Lothar a une fille, Sylvia, née en Argentine. En 1957, elle a 17 ans. C'est une fille curieuse, intéressante et qui, comme beaucoup d'adolescents, découvre les affres de l'amour. Au lycée, elle a rencontré un garçon, un orphelin de père avec de beaux yeux bleu-gris. Il s'appelle Klaus. Il est allemand. L'avocat organise un dîner pour rencontrer le jeune homme qui ignore, comme tout le monde, que les Hermann sont juifs. Dans le courant de la conversation, Lothar en vient à interroger Klaus sur sa famille, sur son père. Une scène reprise dans le film « Opération finale » du réalisateur Chris Weitz. Ah, donc votre père faisait partie de l'armée? Il était SS, oui. Mais il a été tué à l'Est. Ah, mais je croyais que tu... Nous vivons avec mon oncle Ricardo. Il est comme un père pour nous. Je suis vraiment navrée, Klaus. C'est horrible. Vous envisagez de repartir là-bas? En Allemagne? Je sais pas trop. On m'a raconté des choses. Quelles choses? Les Juifs. Ils reprennent le pouvoir. Ils occupent des emplois et corrompent tout, comme avant. Mais ils sont nombreux dans ce pays aussi, donc... Mon oncle dit qu'ils se multiplient à toute vitesse, comme des lapins en chaleur. Lothar Herrmann fait comme si de rien n'était, mais le malaise est palpable. Alors, Lothar veut en savoir plus sur ce garçon et lui demande « Comment avez-vous dit que vous vous appeliez déjà ?»« Eichmann. Mon nom est Eichmann. » L'avocat ancien déporté vacille. Il comprend. Le jeune homme, là, devant lui à sa table, est le fils de l'architecte de la solution finale. Celui dont on a parlé à la télévision lors des procès de Nuremberg. Oui, il est le fils d'Adolf Eichmann. Quant à l'oncle dont il parle, ce Ricardo Clement, si Klaus le considère comme un père, c'est pour une bonne raison. Eh oui, c'est le sien. Adolf Eichmann vit donc avec sa famille à Buenos Aires, sous le nom de Ricardo Clement. Voilà l'information que le procureur Fritz Bauer découvre en ce matin de 1957. Alors, deux options. Soit il transmet cette découverte aux services secrets allemands, soit il se tourne vers d'autres interlocuteurs, parce qu'il sait que son service et toute l'administration d'après-guerre est infestée par d'anciens collaborateurs nazis, comme 33 des 47 dirigeants de la police criminelle, par exemple. Parce qu'il sait que le service diplomatique de son pays n'a aucun intérêt à ce qu'Eichmann soit retrouvé, notamment en raison des informations qu'il détient contre Hans Klopke, ancien rédacteur des lois raciales du Troisième Reich, et surtout, actuel bras droit du président de la République, Adenauer. Parce que son optimisme se fait de moins en moins naïf et de plus en plus pragmatique, Bauer opte pour la seconde option et contacte le Mossad. Un acte de haute trahison qui peut lui coûter son poste et sa liberté. Et pourtant, en mars 58, une rencontre est organisée en Israël. Elle est relatée dans le film de Lars Kraum, un héros allemand. Monsieur Harel, s'il vous plaît, je ne vous demande que 5 minutes. Herr Harel, s'il vous plaît. Monsieur, voici Herr Fritz Bauer, procureur de la ville de Essen en Allemagne de l'Ouest. Il dit qu'ils ont trouvé quelqu'un. Je suis sur la piste d'un grand ennemi de notre peuple. Je n'ai pas le temps pour ça, désolé. Rafi, tu t'en charges, ok? Adolf Eichmann n'est pas un vulgaire exécutant. Écoutez, j'apprécie votre intérêt. Mais vous devez comprendre, je dois gérer le chaos en Égypte. Les fédaïnes, des civils assassinés à Masada, nos ressources sont limitées. Et je ne peux pas les gaspiller pour des rumeurs, désolé. Pensez au symbole. Les Juifs pourraient publiquement enfin confronter l'homme qui a organisé notre génocide. Qui a organisé. Au passé, oui. Mes ennemis, Herr Bauer, ce sont ceux qui l'organisent encore. Merci de votre visite. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Au début, le Mossad rechigne, en effet. Ses agents ne croient pas à l'hypothèse qu'Eichmann puisse vivre dans un quartier aussi pauvre et rural de Buenos Aires que celui de la rue Garibaldi. Dans une maison sans électricité, de surcroît. Et puis lui aussi ce que Bauer avait oublié de leur préciser. Lothar Herrmann, le père de la jeune Sylvia, est aveugle. Il n'a donc pas pu confirmer son intuition. Mais la pression est grande. Et si le Mossad laissait passer son unique chance de capturer l'architecte de la solution finale? Alors, les services israéliens décident de procéder à une première vérification. Ils envoient Zvi Aharoni, rescapé de la Shoah, à un agent qui a perdu une grande partie de sa famille pendant l'Holocauste. Eichmann, il en fait une affaire personnelle. Grâce aux informations obtenues par Herrmann, il parvient rapidement à localiser le dénommé Ricardo Clement. Tout l'enjeu est de réussir à prendre une photo pour convaincre Isser Harel, le chef du Mossad, de lancer l'opération. Après plusieurs jours de filature et de cachette, la photo est prise. En noir et blanc, elle révèle un homme debout devant une petite maison carrée avec un toit plat au milieu d'herbes hautes. Une autre montre l'individu de plus près et on y voit le visage d'Adolf Eichmann. Cette confirmation obtenue, et en accord avec son gouvernement, Isser Harel imagine une incroyable opération. Kidnapper Eichmann en Argentine en toute discrétion. Et, fait exceptionnel, le chef du Mossad décide d'y prendre part personnellement. Des années plus tard, il reviendra sur les raisons de cette implication et le choix des hommes qui l'ont accompagné lors d'une interview pour le RTF. Il était très important que les choses soient contrôlées par un homme qualifié qui pouvait prendre tout seul des décisions importantes. C'est pour cette raison que je me suis décidé à partir moi-même. La deuxième raison pour laquelle je suis parti était que cette opération était liée à plusieurs problèmes diplomatiques extrêmement délicat. Ce n'est pas le cœur léger que nous sommes partis dans un pays étranger qui était un pays ami pour accomplir finalement un acte qui, par sa nature, constituait quand même une certaine atteinte à sa souveraineté. Quel genre d'homme avez-vous choisi pour participer à cette opération ? Tous ces hommes étaient, bien sûr, des volontaires, des hommes modestes, courageux, capables et efficaces. En mars 1960, le commando israélien, composé d'une dizaine d'hommes, débarque en Argentine. Il emménage dans deux maisons louées par le Mossad à Buenos Aires. Le plan est de kidnapper Eichmann, puis de le ramener discrètement en Israël par avion. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. La première difficulté est de parvenir à déterminer quand procéder à l'enlèvement. Après une longue et intense surveillance, mise en œuvre pendant des semaines, nuit et jour, les agents effectivement suivent et surveillent leur proie et ils réalisent rapidement que l'emploi du temps d'Eichmann est réglé comme du papier à musique. La semaine, il sort de chez lui exactement à la même heure, tous les jours, pour prendre toujours le même bus qui le conduit à l'usine Mercedes. Idem pour le retour, il descend systématiquement de l'autocar à 19h30 tapante. L'ancien comptable est un homme d'habitude. Et c'est bien parce qu'il est prévisible qu'Eichmann est vulnérable. Le kidnapping est prévu le soir du mercredi 11 mai. Et c'est ainsi qu'à 20h, en moins d'une minute et à moins de 200 mètres de chez lui, Eichmann est enlevé par le Mossad. Mais les juristes du gouvernement israélien prennent peur. Et si la nature illégale de l'enlèvement compromettait le procès à venir ? Alors, pour éviter tout risque, ils exigent qu'Eichmann signe de son plein gré une lettre stipulant qu'il accepte d'être amené en Israël pour y être jugé. Étonnamment, l'homme accepte assez facilement. Voici les termes de sa lettre. Je sous-signé Adolf Eichmann déclare par la présente de mon gré, mon identité réelle étant maintenant connue, je comprends qu'il est vain de tenter d'échapper à la justice. Je me déclare prêt à me rendre en Israël et à comparaître devant un tribunal compétent. Il est entendu que je recevrai l'assistance d'un avocat et que je pourrai exposer les faits relatifs à mes dernières années de service en Allemagne, afin qu'un tableau véridique des événements soit transmis aux générations futures. Je fais cette déclaration de mon propre gré. Il ne m'a rien été promis et je n'ai reçu aucune menace. Je désire obtenir enfin le repos de l'âme. Une fois la lettre signée, il ne reste plus qu'une étape, faire monter discrètement et surtout anonymement Adolf Eichmann dans un avion pour Israël. Or, en 1960, il n'existe pas encore de ligne aérienne Buenos Aires-Jérusalem. Le service de renseignement israélien va donc utiliser les célébrations du 150e anniversaire de la République d'Argentine qui ont lieu ce même mois de mai 1960 comme un prétexte pour affréter un avion de la compagnie El Al depuis Jérusalem jusqu'à Buenos Aires. Cet avion, intelligemment rempli de dignitaires et diplomates israéliens venus assister aux célébrations, repartira ensuite avec un passager supplémentaire. C'est ainsi que le 20 mai 1960, l'équipe d'Isser Harel Eichmann en commandement de bord de la compagnie El Al, munie de faux papiers d'identité, Adolf Eichmann embarque dans l'avion et se dirige vers son destin. L'heure des comptes a sonné. My old friend, talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la traque et la capture d'Adolf Eichmann. Notre invité, Yvonique Denoël. Bonjour. Bonjour. Historien, éditeur, spécialiste du renseignement, vous êtes l'auteur des Guerres secrètes du Mossad, publié au Nouveau Monde Édition, et vous travaillez actuellement sur un livre de mémoire de l'agent du Mossad, Rafi Eitan, que nous avons cité dans le récit, sur lequel nous reviendrons. Un livre de mémoire intitulé « J'ai capturé Eichmann », livre à paraître en juin prochain, c'est ça ? C'est Nouveau Monde. Exactement. Bien. Je vais revenir sur un point qu'on n'a pas beaucoup développé, qu'on a juste évoqué, mais il me semble important. Eichmann s'enfuit grâce à un passeport italien du Vatican. Sur quoi, sur qui reposait le réseau qui a permis à des hommes tels que lui, ou même Klaus Barbie, de s'échapper ? Alors effectivement, il y a toute une filière d'exfiltration d'anciens officiers nazis qui passent par l'Italie et qui s'appuient sur la délivrance par le Vatican de passeports de la Croix-Rouge. Donc, il y avait une commission d'assistance pontificale aux réfugiés de guerre. Et bizarrement, dans cette commission, il y avait une section allemande. La section allemande avait été confiée, et ça c'est encore plus surprenant, à un évêque nommé Alois Udall, dont on peut dire qu'il était le plus pro-nazi de toute la hiérarchie catholique. Donc c'est quand même assez stupéfiant qu'on lui ait confié les clés de ce camion-là. Et donc, fort logiquement, il faisait délivrer, plus précisément, sur son intervention, des passeports qui permettait ensuite d'exfiltrer par Gênes, et là aussi pour Gênes, pas par hasard, l'évêque de Gênes, l'évêque Siri, était également un évêque d'extrême droite qui trouvait tout à fait normal que on exfiltre ces officiers nazis. Alors pourquoi ? La raison principale, c'est l'anticommunisme, c'est-à-dire qu'on donne à tous ces officiers un brevet d'anticommunisme. En expliquant que sans eux, eh bien, c'est toute l'Europe qui serait aujourd'hui entre les mains de Staline, et que donc il faut quand même leur être reconnaissant. Alors bien sûr, il y a pu avoir, concède-t-il, quelques excès du nazisme, mais enfin, il faut quand même pas oublier ça. Et puis, secondairement, il y a cette notion de rédemption, c'est-à-dire que ces officiers, assez opportunément, déclarent tout d'un coup vouloir se convertir au catholicisme. Et alors ça, c'est un peu le mot magique, c'est-à-dire même s'ils ont commis des horreurs épouvantables, si tout d'un coup ils voient la lumière, eh bien qui est-on pour leur refuser l'aide et une nouvelle vie ? D'ailleurs, c'est pas étonnant que dans ce contexte, un collabo comme Touvier puisse cacher dans une abbaye, par exemple. Exactement. C'est le même principe. Et c'est pas seulement des prélats d'extrême droite ou pro-nazis hein, qui assurent cette filière. C'est-à-dire qu'on voit même des prélats qui ont été des prélats résistants, qui ont aidé les juifs pendant la guerre, comme le cardinal français Tisserand, qui en quelque sorte se laissent un peu abuser par ça. C'est-à-dire qu'on leur explique que ce sont des garçons pas si mauvais que ça et qu'ils méritent un nouveau départ. Oui, en fait, l'Église pense que les ennemis de ses ennemis sont des alliés. Voilà. Et effectivement, le contexte de l'anticommunisme pèse très lourd dans la balance. Dialectique simpliste est terrible. Pourquoi durant ces premières années, alors vous me dites si je me trompe, mais le Mossad ne s'est pas intéressé tant que ça à la traque des nazis finalement ? Pas du tout, parce que d'abord, on ne le lui demandait pas, tout simplement. Les services secrets font en général ce que leur autorité politique leur demande. Et puis ensuite, alors pourquoi le gouvernement ne demandait pas ? Eh bien tout simplement, parce que la priorité des premières années d'Israël, c'est de survivre. C'est-à-dire que l'État d'Israël naît donc d'une décision des Nations Unies en 1947 de partition de la Palestine. Et dès cette décision prise, l'État juif naissant est assailli par de nombreuses armées des pays arabes environnants, par des milices palestiniennes. Tout ça très supérieur en nombre. Et donc, il faut arriver à défendre le nouvel État israélien, donc des milices, en particulier la plus importante, c'est la Haganah, ouais. Dont le service de renseignement, le Shai, est un peu l'ancêtre du Mossad. Eh bien, ces milices vont devoir se battre comme des lions. Et finalement, le Mossad est dans la continuité de ce travail-là. C'est-à-dire, il s'agit de consolider la survie de l'État d'Israël avec un premier travail important qui est celui de trouver un allié qui est la CIA. Et pour se faire un allié de la CIA, eh bien, il faut rendre des services aux Américains. Par exemple, c'est le Mossad qui va réussir à procurer une copie du discours de Khrouchtchev sur les horreurs du stalinisme qui marque le début de la déstalinisation, qui était un discours totalement secret destiné au seul cadre du parti, qui n'était pas destiné à être publié. Et évidemment, les Américains sont très heureux de pouvoir le faire fuiter dans le New York Times. Mais évidemment. Donc ce genre de service rend le Mossad très utile et sympathique aux Américains. Et donc la priorité n'est pas la chasse aux nazis. Le Mossad, évidemment, on en reparle, parce que c'est quand même le cœur de l'affaire, après avoir écouté Arnaud qui chante « Honnête ». Tu veux changer qui ? Tu veux changer moi ? Ou tu veux changer toi ? Avec une bonne histoire, change-toi et appelle-moi. Oh oui, moi je suis honnête, tu joues bien la trompette. Mais oui, moi je suis honnête, mais tu joues bien la trompette. De tout ce bazar, quand tu fais du cinéma, quand y a pas de bon savon dans ma salle de bain. Mais oui, moi je suis honnête, mais tu joues bien la trompette. La trompette. France Inter. Affaires sensibles. Yvonique de Noël, en 1960, lorsque l'opération capture d'Eichmann est réalisée, le Mossad a-t-il déjà des hommes sur place en Argentine, ou est-ce que c'est vraiment un commando qui arrive là sans base et sans appui? Alors, le Mossad, à l'époque, n'a pas de poste en Argentine. Un poste, c'est une équipe à demeure et qui fait réellement partie du Mossad. En revanche, ils ont des correspondants, c'est-à-dire, on peut dire, des honorables correspondants, ou en tout cas des gens qui peuvent, par exemple, louer un appartement, louer une voiture, des choses comme ça. Donc, effectivement, à l'occasion de cette opération, on envoie d'abord une personne en éclaireur et ensuite une équipe complète. Donc au total, il va y avoir à peu près 25-26 personnes qui vont avoir un rôle ou un autre dans l'opération. Est-ce qu'on peut dire que le kidnapping est une spécialité du Mossad ? Oui, il y a deux spécialités du Mossad, le kidnapping et l'assassinat. C'est un service qui effectivement est assez audacieux, dont la marque de fabrique est vraiment d'aller sur des opérations que d'autres services n'oseraient peut-être pas faire, ou en tout cas qui prendraient beaucoup plus de temps à organiser, parce que là finalement c'est quelque chose qui se monte en 3-4 mois. Or, une opération comme celle-là, il faut bien se rendre compte que Rafi Haitan raconte qu'il avait un carnet d'une centaine de pages sur lequel il listait absolument tout ce qu'il fallait prévoir. Ouais. Donc, les moindres détails, vous avez des gens qui, comme dans la production d'un film, sont chargés de penser à tous les petits détails matériels. Bien sûr. Alors, comment expliquer, si ce n'est par cet instinct de survie que vous nous expliquiez tout à l'heure, comment expliquer l'importance du Mossad, de ses réussites dans un pays aussi jeune? Et le Mossad devient assez vite un modèle pour tous les services de renseignement. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ils n'avaient pas trop le choix. C'était ça ou périr. Donc déjà, ils se battaient avec une motivation extrêmement forte. Et ensuite, ils avaient tous un bagage. Ils n'arrivaient pas, ils n'ont pas improvisé, comme par exemple les services secrets de Général de Gaulle se sont vraiment constitués au cours de la guerre et ont appris leur métier en le faisant. Eux, ils avaient tous un bagage. Soit ils avaient effectivement fait partie des milices qui, avant même la partition de la Palestine, luttaient contre l'autorité coloniale britannique. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'assassinats d'officiers britanniques qui étaient menés dans ces années 40. Certains notamment par l'Irgun. Voilà. Certains avaient fait la guerre dans diverses armées, dans diverses situations. Certains sortaient des camps. Certains étaient sortis clandestinement du RSS. Donc ils étaient tous très endurcis. Mmh. Ils avaient tous déjà une expérience du commando et une organisation extrêmement militaire. Et puis la sélection était extrêmement élitaire. Rafi Haitan, sans modestie excessive, dit dans ses mémoires que n'importe quel lieutenant-colonel du Mossad était beaucoup plus intelligent qu'un lieutenant-colonel de l'armée britannique. On voit bien d'ailleurs dans le film d'Éric Rochant, Patriote, on voit bien justement le processus d'engagement et de recrutement très dur. Quelles ont été les réactions internationales à l'annonce de la capture d'Eichmann? Plus précisément, cette opération a-t-elle rendu difficiles les relations entre Israël et l'Argentine? Alors, pas vraiment, honnêtement, parce que en Argentine, on savait très bien ce qu'il en était. L'Argentine a accueilli des milliers d'anciens nazis après la guerre, de manière tout à fait délibérée. Il y avait une colonie allemande, donc quelque part, on savait que ce genre de choses pouvait arriver. Il n'y a pas eu de clash diplomatique. Pour la petite histoire, une fois que le commando était sur place, Isser Harel, donc le patron du Mossad, qui de manière tout à fait inhabituelle avait accompagné son équipe, s'est mis en tête de vouloir faire un doublé. Et alors, ils avaient eu une rumeur comme quoi Mengele habitait dans la même ville. Mmh. Et donc, il dit à Rafi Haitan, tiens, maintenant qu'on tient Eichmann, et si on essaie de capturer aussi Mengele? Donc, grosse brouille entre les deux hommes qui dit, t'es complètement fou. Mmh. Et effectivement, Haitan avait raison, puisque Mengele avait effectivement habité là, mais on était parti depuis un an. Inutile de dire que lorsque la nouvelle a été connue dans le monde entier, tous ceux qui pensaient pouvoir être les cibles du Mossad ont redoublé de précautions et changé de lieu de résidence. Changé de trottoir, j'allais dire. Le Mossad était-il en 1960 le seul service de renseignement à savoir où se trouvait Eichmann? Je veux dire, ni les Français, ni les Américains, les Russes, étaient tous victimes du nazisme, n'étaient au courant? Très honnêtement, au moins les Américains savaient. parce que tout ce qui s'est fait de cette filière dont on parlait tout à l'heure, cette filière d'exfiltration de nazis vers l'Amérique du Sud, il y a eu le pendant d'exfiltration de l'Italie vers l'Amérique du Nord. C'est-à-dire un certain nombre d'anciens nazis ont été récupérés par la CIA. Donc les Américains... Là encore, pardon de vous couper, là encore, pour une idéologie pour combattre le communisme, par anticommunisme de la part de la CIA en gros, ou pas ? On recrutait des combattants de la guerre froide qui avaient un bon CV, éventuellement une bonne documentation. C'est ainsi que Reinhard Gehlen a été coopté par les Américains comme le premier patron des services secrets ouest-allemands, alors que c'était un maître espion nazi. Simplement, il arrive avec toute sa documentation en disant « Voilà, j'ai des fiches, j'ai des renseignements, je peux vous être très utile. » Et puis, banco, on y va. Ça, c'est le pragmatisme de la CIA à cette époque de la guerre froide, puisqu'on sait qu'on va vers un affrontement très dur, et ben, on prend ce qu'on a sous la main. Parlons d'Israël maintenant. Cet État, dans les années 50, donc État tout nouveau, puisqu'il est créé en 48, il y a un contexte qui permet de comprendre peut-être comment a été appréhendée la capture d'Eichmann par l'État hébreu. On est dans une espèce de mauvaise conscience des pays occidentaux. Et donc, on est à la fois, je dirais, vers la fin de l'épuration, c'est-à-dire dans des pays aussi bien la France que l'Allemagne. En gros, si vous êtes un ancien nazi qui n'a pas été jugé en 45, en 46 ou en 47, les peines deviennent de plus en plus légères parce que tout le monde veut passer à autre chose. L'objectif principal, c'est la reconstruction économique, c'est la sécurité collective face à la menace des pays de l'Est. Et donc, quand intervient cette nouvelle, on vient de soutenir la création d'Israël qui, effectivement, c'est une expression, la relative unanimité de ce vote, c'est une expression de la mauvaise conscience occidentale par rapport à la Shoah. Et finalement, cette capture, tout le monde dit « bien joué ». Bravo. Après, on a un procès dont vous parlerez demain qui a une résonance internationale, qui a été presque une résonance supérieure au procès de Nuremberg. Oui, on verra demain, c'est un procès mondial. Voilà. Donc, c'est effectivement une opération qui fait beaucoup pour la mystique autour du Mossad. Ça donne au Mossad, c'est aussi un fabuleux coup de pub pour le Mossad qui lui donne une réputation d'invincibilité, d'audace qui va perdurer jusqu'à nos jours. Le Mossad fait partie des piliers de la fondation d'Israël, comme Tzahal, on peut dire que c'est l'un des grands, des grands piliers de... Non pas du mythe israélien, mais de la réalité israélienne. Alors, c'est certainement le plus connu des services secrets israéliens. C'est pas le seul. En fait, il y a trois piliers, si on veut être complet. Il y a l'Aman, qui est le service de renseignement militaire. Il y a le Shin Bet. Donc, il dépend de Tzahal, d'accord. Voilà. Il y a le Shin Bet, qui est le service de renseignement intérieur. Oui. Et il y a le Mossad. Et ce qui est curieux, c'est qu'à l'époque, il y a un service action unique pour le Shin Bet et pour le Mossad. Donc Rafi Eitan, qui est le patron du service action, avec à peu près 200 personnes sous ses ordres, en fait, il a autorité sur le service action. C'est le même service action. Et donc, il navigue entre les chefs des deux services. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a un certain poids dans le renseignement israélien à l'époque. Et puis, il va faire bien d'autres choses après. Rafi Eitan, vous travaillez sur sa vie, son œuvre, hein, puisque vous êtes en train d'écrire le concernant. Vous écrivez donc ce livre des mémoires, J'ai capturé Eichmann. Vous travaillez sur un livre de mémoire de l'agent Rafi Eitan, intitulé J'ai capturé Eichmann. Que nous réserve ce livre en 30 secondes, parce que ça sera terminé. Énormément de détails sur la carrière, évidemment, de Rafi Eitan. En fait, il est très honnête, c'est-à-dire qu'il raconte de l'intérieur. Il n'hésite pas à dire, voilà, il y a des gens qui ont été crédités pour la capture d'Eichmann, en particulier Isser Harel, qui a été le premier à faire un livre là-dessus, en se mettant en scène comme quasiment l'ordonnateur de la chose, alors qu'il était juste témoin, même s'il était le supérieur hiérarchique, c'était pas lui qui commandait le commando. Et beaucoup de révélations sur la suite de sa carrière avec d'autres services. Très bien, merci infiniment de cet éclairage que vous nous avez apporté, Yvonique de Noël, donc sur cette traque et cette capture tellement spectaculaire d'Adolf Eichmann en 1960 en Argentine. Merci, au revoir. Merci à vous. C'est c'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la traque et l'enlèvement d'Adolf Eichmann. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman. Demain, nous vous retrouvons à la même heure, bien sûr, pour Eichmann, la suite, le procès.